Chapitre 10. Le poisson mort. Le colonel, dont les os blanchissaient dans le Punjab, ne laissait, nous l'avons dit, qu'une médiocre fortune. Sa veuve trouvait cependant le moyen d'entretenir un attelage, lequel ne se composait, il est vrai, que d'un poney et d'un phaéton. Mais le poney était vif, le phaéton convenable, et il semblait même une suprême élégance, lorsque la charmante belle s'y trouvait, coiffée en amazone, fouet et reine en main. Sur le siège de derrière se tenait ordinairement assis, dans une pose académique, un groom à la livrée éclatante, aux boutons resplendissants, stylé à souhait et représentant dignement l'honneur de la maison. Ce séduisant petit tableau de la vie de campagne se pouvait voir à la porte du cottage de Madame Mainwaring, à 11 heures du matin, le jour même où la mère et la fille avaient eu la conversation relatée dans un des précédents chapitres. Cette sortie, trop matinale pour une simple promenade, avait un but sérieux, une visite à la Tornay. Déjà, Belle, installée sur le siège, faisait siffler son fouet avec la grâce qui accompagnait chacun de ses mouvements. Et le poney, obéissant, allait prendre le trot, lorsque parut la voiture de Maître Woollett lui-même. La trappe se dirigeait évidemment vers la villa, où maintes fois déjà, elle avait déposé son maître. C'était une heureuse coïncidence. Ainsi pensèrent Madame Mainwaring et sa fille, qui ne désiraient ni l'une ni l'autre se rendre à la ville ce jour-là. Il ne s'agissait pas en effet de courir les magasins, mais d'affaires sérieuses à traiter avec M. Woollett. Ce dernier semblait avoir été poussé par une sorte de prescience. Il venait, donc on pouvait rester. Les dames mirent pied à terre après avoir mis les rênes dans les mains du groom, et, suivies de l'homme de loi, elles rentrèrent dans le cottage. La Tornay fut introduite au salon. L'affaire qui la menait n'ayant rien de commun, dit-il, avec la ravissante belle. Celle-ci s'éloigna aussitôt, laissant sa mère seule avec M. Woollett. Le basochien conservait dans ses manières une certaine obséquiosité, bien moins caractérisée, cependant que celle qu'il avait déployée dans son entrevue avec le vétéran. C'était d'ailleurs un vernis dont il ne se dépouillait jamais complètement. Il existait, il est vrai, une différence énorme entre un général possesseur d'une centaine de livres et la veuve d'un colonel dont la fortune atteignait à peine le même nombre de gros sous. Cependant, Madame Mainwaring jouissait d'une position sociale dont il fallait tenir compte. Elle avait une fille qui, d'un jour à l'autre, pouvait devenir la femme d'un homme riche à 100 000 livres. Clientèle des plus profitables pour celui qui, à ce moment, aurait la chance d'être le conseil judiciaire de la mère. M. Woollett était doué de trop de perspicacité pour n'avoir pas embrassé d'un coup d'œil toutes ses prévisions. S'il montra plus d'abandon dans ses paroles et dans ses manières vis-à-vis de la veuve du colonel qu'il ne l'avait fait en présence du général, ce fut simplement parce qu'il avait reconnu chez la dame une nature à la fois plus semblable à la sienne et moins scrupuleuse que celle du vétéran, en tout ce qui concernait les points d'honneur et d'étiquette. « Auriez-vous quelque communication à me faire, M. Woollett ?» demanda la veuve, sans faire allusion à la visite qu'elle avait eu l'intention de lui faire elle-même. « Oui, madame, il est possible que je me sois dérangé pour rien, et interrompu inconsidérément votre sortie. Ce que j'ai à vous dire peut n'avoir aucune importance. Dans tous les cas, je ne vous demande que 5 minutes d'attention. Prenez le temps que vous voudrez, M. Woollett. Nous sortions sans but précis, pour courir les magasins. Cela peut se remettre. Veuillez vous asseoir. » La Tornay prit une chaise, tandis que Madame Mainwaring étalait ses jupes sur un canapé. « Est-ce quelque chose qui ait rapport au cottage ? » continua-t-elle avec une indifférence affectée. « Le loyer, il me semble, est payé jusqu'au... »« Il ne s'agit pas de cela, » interrompit l'homme de loi. « Vous êtes trop ponctuel dans vos paiements, Madame Mainwaring, pour avoir besoin de me rafraîchir la mémoire. Je viens pour une affaire qui, maintenant que j'y réfléchis, frise de ma part l'indiscrétion. Mais je vous l'ai dit, elle peut être importante. Et attachée comme je le suis à vos intérêts, j'ai cru de mon devoir de vous en parler, espérant, si je me suis trompé, que vous voudrez bien attribuer mon ingérence qu'à un excès de zèle. » La veuve ouvrit des yeux, jadis fort beaux, mais qui n'exprimaient plus actuellement que la surprise. Les façons de la Tornay, son air de confiance, ses assurances amicales, lui laissaient prévoir quelques révélations intéressantes. « Un excès de zèle de votre part ne peut offenser personne, M. Woollett, et moi encore moins. Voyez donc parler. Que votre communication m'intéresse ou non, je vous promets d'en peser sérieusement la valeur, et de vous répondre franchement. D'abord, madame, je dois vous poser une question qui, venant de tout autre, pourrait paraître impertinente. Mais vous m'avez fait l'honneur de me choisir comme conseil. » « Mon dévouement et mon excuse. On suppose dans le pays Et pour dire vrai, on fait plus que supposer que votre fille est sur le point de contracter une alliance avec l'un des fils du général Harding. Puis-je vous demander si ce bruit est fondé ? Eh bien, monsieur Woollett, à vous, je répondrai qu'il y a du vrai dans cette supposition. Puis-je vous demander de plus quel est des deux fils du général celui que votre choix a daigné honorer de son choix ? Vraiment, monsieur Woollett, mais dans quel but voulez-vous le savoir ? J'ai une raison, madame, une raison qui vous touchera ou je me trompe fort. Qui me touchera et comment ? Prenez et lisez, se contenta de répondre le loup-cervier en lui présentant une feuille de papier azuré contenant quelques lignes d'écriture, dont l'encre avait eu à peine le temps de sécher. C'était le testament du général Harding. À mesure qu'elle lisait, le sang, comme une marée montante, affluait au visage et au cou de la veuve. En dépit de son flegme d'écossaise, de la puissance qu'elle avait acquise sur elle-même dans cette vie accidentée, qui est le partage des femmes d'officiers de l'armée des Indes, elle n'eut pas la force de cacher son émotion. Ce qu'elle dévorait des yeux était comme un écho de ses propres pensées, une réponse aux réflexions qui, à peine une heure auparavant, traversait son esprit et qu'elle avait communiquée à sa fille. Aussi adroitement que peut le faire une femme, et Madame Mainwaring n'était pas la plus naïve créature de son sexe, elle essaya de démontrer à M. Woollett qu'elle ne s'intéressait que médiocrement aux documents qui venaient de lui être dévoilés. La seule chose qui l'affectait, dit-elle, était de voir le général Harding oublier assez ses devoirs de père pour établir une semblable distinction entre ses enfants. Tous deux lui appartenaient par le sang, et bien que le cadet eût pu mener une conduite peu exemplaire, il était jeune et se corrigerait certainement, avec le temps, des habitudes qui avaient mécontenté son père. Quant à elle-même, Madame Mainwaring, elle était fort peinée, et quoique l'affaire ne la touchât qu'incidemment, elle croyait devoir remercier M. Woollett de l'obligeance qu'il avait mise à lui communiquer les termes de cet étrange testament, et lui en garderait une éternelle reconnaissance. La fin de cette singulière homélie fut prononcée d'un ton qui ne pouvait tromper un observateur que M. Woollett. Aussi, quand la bonne dame ferma la bouche, il plia tranquillement le testament et se disposa à prendre congé. Renouveler ses excuses et ses protestations de dévouement était chose parfaitement inutile. Les braves gens s'en comprenaient mutuellement, même en se taisant. M. Woollett accepta un verre de xérès et un biscuit, se réintégra dans sa trappe et reprit le chemin de son étude, tandis que le groom, sur l'ordre de la maîtresse, dételait le poney et le ramenait à l'écurie. Dès que la tornée eut tourné les talons, Belle rentra au salon. « Que te voulait-il, maman ? » demanda-t-elle tout d'abord. « Est-ce quelque chose qui me concerne ?»« Sans aucun doute, si tu acceptes Henry Harding, tu épouses la pauvreté. J'ai vu le testament, son père l'a déshérité. » Miss Mainwaring s'affaissa sur le sofa en poussant un cri qui témoignait plus de son désappointement que de son désespoir.